Nous avons protégé et défendu notre sécurité propre parce que l'Ukraine était transformée en une place d'armes pour les attaques contre la Russie, pour torpiller nos intérêts dans la mer d'Azov. Il y avait des projets de construire des bases militaires dans cette région. Avant tout, c'était des projets anglo-saxons. Donc, vous voyez, c'était des projets vraiment très sérieux. De plus, n'oublions pas de cette humiliation vis-à-vis des Russes, tandis que la Constitution garantit la protection des droits des Russes qui résident sur le territoire de d'autres pays. Et la Constitution ukraine garantit la protection de ces droits. Et en 2014, vous savez, il y